Ceci est un enregistrement de Léa pour audiocité.net. L'adresse de Gettysburg par Abraham Lincoln. 19 novembre 1863. Il y a 87 ans, nos pères ont donné le jour sur ce continent à une nouvelle nation conçue dans la liberté et attachée à l'idée que tous les hommes sont créés égaux. Nous sommes aujourd'hui engagés dans une grande guerre civile qui éprouvera la résistance au temps de cette nation, comme de toute autre nation de conception et de vocation semblable. Nous voilà rassemblés sur un grand champ de bataille de cette guerre. Nous sommes venus offrir, pour dernière demeure, un lopin de terre à ceux qui ont donné leur vie pour que vive cette nation. Ce n'est somme toute que convenance et justice que nous fassions ceci. Mais plus généralement, nous ne pouvons destiner, nous ne pouvons consacrer, nous ne pouvons sanctifier cette terre. Les braves, vivants et morts, qui ont lutté ici, l'ont consacré bien au-delà de notre humble pouvoir d'ajouter ou de retrancher. Le monde n'accordera pas beaucoup d'importance, ni ne se souviendra longtemps de ce que nous avons dit ici. Mais ce qu'ils ont fait ici ne pourra jamais être oublié. C'est à nous, les vivants, plutôt, d'être voués ici à la tâche inachevée pour laquelle ils ont ainsi combattu ici si noblement. C'est plutôt à nous d'être ici voués à la grande tâche qui nous revient, que de ces honorés défunts nous portions une dévotion grandissante à cette cause pour laquelle ils ont donné la dernière et grande mesure de dévouement. Que nous prenions ici la ferme résolution que ces morts ne seront pas morts en vain. Que cette nation, si Dieu le veut, verra renaître la liberté et que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne disparaîtra pas de la terre.